De notre côté, l'adjudant était fort en peine en voyant Mathéo s'avancer ainsi, à pas compter, le fusil en avant et les doigts sur la détente. Si par hasard, pensa-t-il, Mathéo se trouvait parent de Gianetto, ou s'il était son ami et qu'il voulut le défendre, les bourres de ces deux fusils arriveraient à deux d'entre nous, aussi sûr qu'une lettre à la poste. Et s'il me visait, nonobstant la parenté, dans cette perplexité, il prit un parti fort courageux. Ce fut de s'avancer seul vers Mathéo pour lui conter l'affaire, en l'abordant comme une vieille connaissance. Mais le court intervalle qui le séparait de Mathéo lui parut terriblement long. « Hola, hé, mon vieux camarade » criait-il. « Comment cela va-t-il, mon brave ? C'est moi, je suis Gambe, ton cousin !» Mathéo, sans répondre un mot, s'était arrêté, et à mesure que l'autre parlait, il relevait doucement le canon de son fusil, de sorte qu'il était dirigé vers le ciel, au moment où l'adjudant le joignit. « Bonjour, frère !» dit l'adjudant en lui tendant la main. « Il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. »« Bonjour, frère. J'étais venu pour te dire bonjour en passant, et à ma cousine Peppa. Nous avons fait une longue traite aujourd'hui. Mais il ne faut pas plaindre notre fatigue, car nous avons fait une fameuse prise. Nous venons d'empoigner Gianetto San Piero. Dieu soit loué !» s'écria Giuseppa. Il nous a volé une chèvre laitière la semaine passée. » Ces mots réjouirent Gambe. « Pauvre diable !» dit Mathéo. « Il avait faim. » « Le drôle s'est défendu comme un lion, » poursuivit l'adjudant un peu mortifié. « Il m'a tué un de mes voltigeurs. Et non content de cela, il a cassé le bras au caporal Chardon. Mais il n'a pas grand mal, ce n'était qu'un Français. » Ensuite, il s'était si bien caché que le diable ne l'aurait pu découvrir. Sans mon petit cousin Fortunato, je ne l'aurais jamais pu trouver. Fortunato ! S'écria Mathéo. Fortunato ! Répéta Giuseppa. Oui, le Gianetto s'était caché sous ce tas de foin, là-bas. Mais mon petit cousin m'a montré la malice. Aussi, je le dirai à son oncle, le caporal, afin qu'il lui envoie un beau cadeau pour sa peine. Et son nom et le tien seront dans le rapport que j'enverrai à monsieur l'avocat général. « Malédiction !» dit tout bas Mathéo. Ils avaient rejoint le détachement. Gianetto était déjà couché sur la litière et prêt à partir. Quand il vit Mathéo à la compagnie de Gambe, il sourit d'un sourire étrange. Puis, se tournant vers la porte de la maison, il cracha sur le seuil en disant « Maison d'un traître !» Il n'y avait qu'un homme décidé à mourir qui eût osé prononcer le mot de traître en l'appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet, qui n'aurait pas eu besoin d'être répété, aurait immédiatement payé l'insulte. Cependant, Mathéo ne fit pas d'autre geste que celui de porter sa main à son front comme un homme accablé.